C'est fini, le temps s'est échappé. Oui, c'est fini, on l'a laissé passer. Le temps d'aimer à travers les ombres revenues. On a beau faire, on ne retrouve plus le temps perdu. Mon amour, où est le temps des châtaigniers, de la forêt où nous allions les soirs d'été graver nos noms entrelacés? C'est fini, le temps s'est échappé. C'est fini, on l'a laissé passer. Le temps d'aimer. Mon amour, les châtaigniers vont refleurir. Pourtant déjà, vers le pays des souvenirs. C'est notre amour qu'on voit partir. C'est fini, le temps s'est échappé. Oui, c'est fini, on l'a laissé passer. Le temps des